I'm pain, pain, pain. It's pain. Alive! Cette semaine, c'est la deuxième et dernière partie de la Retro Undead 2015. Deuxième partie qui n'occupera pas l'émission dans son entier, puisque comme je le mentionnais la semaine dernière, en ce qui me concerne, l'année 2015 aura été plus ou moins en carence de sorties métal mémorables, importantes et ou remarquables. Ce qui n'empêche pas d'avoir des choses à vous proposer. Et par la suite, je meublerai cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation avec des discours incohérents, mais aussi avec la Retro Undead cinéma et série et autres choix musicaux douteux. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui considère l'incohérence et les choses douteuses comme étant la norme. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Slayer, go. No use. False accusations are on the loose. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette deuxième édition de réanimation en cet an de disgrâce 2016. Je vous en prie, restez assis, s'il vous plaît. Merci, merci. C'est trop, c'est trop. Ça va faire, là. Bon. Et oui, j'ai réussi à faire un mix épouvantable en mélangeant trois tunes en même temps, faut le faire. Bref, on vient d'entendre la formation américaine Malevolent Creation et la pièce qui s'intitule Face Your Fear. C'est tiré du dernier album Dead Man's Path qui est paru le 2 octobre dernier sur Century Media. C'était leur 12e album. Il fait partie des 10 mentions que j'aurais choisies pour 2015. Il est en 4e position. Malheureusement, j'aime beaucoup la formation Malevolent Creation, mais je dois dire que si je le compare à Invictus Dominion, le précédent, il est un peu plus faible. Et nous avons ouvert avec Slayer, bien entendu. Vous avez tous reconnu Slayer, cette légende du thrash metal américain, la pièce You Against You, qui est tirée, bien entendu, du dernier album, le 12e également, Repentless, qui est paru sous l'étiquette Nuclear Blast. Ça semblait avoir mis fin avec l'entente qu'ils avaient avec American. C'est paru le 11 septembre dernier. Comme je le disais lors de la présentation tout à l'heure en ouverture d'émission, la deuxième et dernière partie de cette Retro Undead 2015 ne durera pas toute l'émission parce que j'ai pas apprécié assez de choses pour cela. Par contre, cette semaine, j'ai la section cinéma et séries qui est relativement bien meublée tant qu'à elle. On va continuer tout de suite avec trois formations qui sont, ma foi, fort intéressantes. Je parle de la formation britannique Satan, qui en était à leur 4e album cette année, en octobre dernier. Je parle de la formation suédoise Grave, avec leur 11e parution, et une formation dont j'ai découvert l'existence en novembre dernier, qui porte le nom de Mammoth Storm, une formation qui donne dans un doom, ma foi, assez prenant pour le moins, que j'avais présenté à Rock Classic à l'époque. Donc, on va aller se taper ça, puis on va revenir en onde tout de suite après. Il faut que je vous propose quelque chose qui est une... je qualifierais d'une mise en garde contre ces abus, mais aussi que ce produit-là devrait être très bon pour vous. Parce que Sanka est décaféiné à 97%, ce qui permet de rester calme, détendu et de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Sanka, la troisième marque de café instantané la plus vendue au Canada. La troisième marque de café. Et je ne fais pas ici pour compétitionner mon bon ami DJ Tower of Death Tower qui nous passe toujours d'excellentes publicités dans son émission. C'est juste que j'ai trouvé ça très drôle de pouvoir revoir ça là et de le réentendre sur temps parce que c'est vraiment ridicule. Mais c'est une publicité des années 60 qui dit que Sanka était le troisième meilleur marque de café. Bon, faut être convaincu de son produit, j'imagine. On va poursuivre musicalement, cette fois-ci, sans blague, avec, comme je le disais, la poursuite de cette Rwanda deuxième partie. On va débuter le tout avec Satan et la pièce In Contempt I Go. Held in contempt. You've been taken down below.

Yeah. vous êtes assez fait. 80 Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide? Connais-tu, c'est fou? Mais hein, que je connais ça. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait, mais y'a... Y'a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi, tu peux animer assez fou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations... Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cfou.ca. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à CFOU 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou? 89 ans. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show. Soyons de C'est Fou, 89.1 FM, et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre à l'instant la formation suédoise Mammoth Storm. Formation qui donne dans un Doom connotation stoner. J'ai trouvé que c'était assez bon. La pièce est un Horns of Jura qui est tiré de l'album dont j'ai essayé de prononcer Formjot ou quelque chose du genre qui est paru le 6 novembre dernier sur Napalm Records. Malheureusement, je dois dire que j'ai été incapable de trouver une place dans le top 10 ou dans les 10 mentions que j'avais pour cette année. En fait, pour l'année dernière, 2015. Il y avait d'autres choses que j'avais plus que ça. Mais peu importe. Mammoth Storm, c'est tout de même une formation qui demeure intéressante à découvrir. Nous avons eu auparavant une autre formation suédoise, soit Grave, avec une pièce tirée de leur 11e album qui porte un titre, ma foi... Ben, en fait, on se pose pas la question avec ça. Hein? Out of Respect for the Dead, qui est paru le 16 octobre dernier sur Century Media. La pièce étant une introduction qui était juxtaposée à la première pièce officielle de l'album, Mass Grave Mass, que j'aime beaucoup. J'ai donné une 7e position dans mon top 10 à cet album de Grave. Et j'aurais peut-être pu lui donner un ranking de plus facilement parce que je l'écoute beaucoup cet album-là. Et on ouvre avec la formation qui vient directement de Newcastle en Angleterre, soit Satan, et une pièce tirée de leur 4e album en 30 ans, si ce n'est pas plus d'existence. Ben oui, plus que ça, 79... Oui, c'est vrai, beaucoup plus que 30 ans. 4e album, Atom by Atom, qui est paru le 2 octobre dernier sur Listenable Records. La pièce étant In Contempt. En ce qui concerne la place que j'ai laissée à Satan, je l'ai mis dans la section de mes mentions en 2e position. Bon, j'entends le Rockmaster qui dit « Quoi? T'as pas aimé ça? T'as pas mis dans ton top 10? » Ben non! Je l'ai pas mis dans le top 10 parce que, comme je risque de me répéter, il y a autre chose que j'ai préféré dans mon top 10. Mais ça reste un très bon album, je dois le dire. Je pense qu'il est peut-être temps de commencer à faire un petit décompte des séries télévisées que j'ai beaucoup aimées et des films, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, je dois dire. Je vais commencer avec les séries télévisées. Ils ne sont pas nécessairement en ordre d'appréciation, simplement en défilement, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, prenez-le quand même comme ça. Je parle de la formation, des formements professionnels, probablement, de la série Daredevil, une série, évidemment, d'un personnage de Marvel que j'ai beaucoup apprécié, qui était, ma foi, fort rafraîchissante. On est bombardé de films et de séries qui traitent de super-héros, qu'ils soient issus de Marvel ou de DC Comics. Il y en a énormément. Et je suis obligé de dire qu'ils ne sont... Et elles ne sont pas tous bonnes. Si je prends par exemple le dernier Avenger, l'ère d'Ultron, ne fait pas partie aucunement de mes tops de l'année dernière. Je l'ai trouvé très ennuyant. Et pourtant, on devrait se dire que avec la qualité d'acteur qu'il y a là, avec le passé que le premier Avenger avait, ça aurait dû être bien. Ben non, ils l'ont échappé. Ben Daredevil, ils l'ont pas échappé du tout, c'est excellent. Fear of the Walking Dead, qui se veut un peu une préquelle, si on veut, de Walking Dead, avec des acteurs qui sont moins flamboyants, je dois le dire, que ceux qu'on trouve dans The Walking Dead, mais qui tout de même, quand on a fini, c'est une très petite série, si je ne m'abuse, elle n'a que 6 épisodes pour une première saison. Quand on a terminé la série, on s'est dit « Ouais, ben finalement, c'était pas mal bien et ça peut nous amener à comprendre certaines choses qui sont encore légèrement obscures dans The Walking Dead. » Autre truc, The Frankenstein Chronicles, une autre mini-série de 6 épisodes, mini-série britannique qui met en vedette le très bon Sean Bean qu'on a retrouvé, entre autres, dans la première série de première saison, par contre, de Game of Thrones. C'est vraiment surprenant, je dois le dire, parce qu'on nous amène dès le départ vers quelque chose qui semble être très policier, très enquête dans l'Angleterre des années 1800, et pour finalement nous amener vraiment à quelque chose qui porte vraiment bien le nom de la série, soit Frankenstein. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison, en espérant qu'il y en ait une, parce que c'est toujours une question de cote d'écoute, bien entendu. Et comme c'est assez frais, je peux pas vous dire quel était le rating exactement de Frankenstein Chronicles, mais il semble que le site Internet Movie Database est relativement bien apprécié, puis généralement, ils sont assez brutaux dans leur cote de appréciation. Homeland, la cinquième saison de Homeland, qui est vraiment excellente. En fait, la totalité jusqu'à présent des saisons de Homeland sont toutes très bonnes. La cinquième était vraiment très, très bonne aussi. Et on nous en prépare une sixième. Est-ce que c'est nécessaire? Je crois que jusqu'à présent, on a réussi à se réinventer. Laissons-leur une chance pour nous produire une sixième saison qui débutera en septembre prochain. Jessica Jones, je suis en train de la terminer. C'est une autre série de super-héros de Marvel, très anti-héros, très peu conventionnel. C'est vraiment excellent. C'est très bon. C'est très original. Personnage très bien défini et je dirais quelque peu caricatural, mais parfaitement adapté. Narcos, une autre série que j'ai beaucoup aimée, qui parle de Pablo Escobar et de sa suprématie en tant que narcotrafiquant. C'est une série de Netflix. C'est vraiment très bien fait. Il ne faut pas s'attarder à le fait que la majorité des dialogues sont en espagnol. C'est un Colombien, ça se passe en Colombie. C'est traduit en anglais, c'est comme le sous-titre en anglais, c'est quand même fort correct. Et à un moment donné, on perd complètement le fait qu'on nous déblatère en espagnol, même si on ne comprend pas, parce que une image vaut mille mots, c'est vraiment le cas. De toute façon, les sous-titres pour se rattraper. Narcos, c'est excellent. Better Call Saul, si vous aviez aimé Breaking Bad, vous avez connu Saul, qui était l'avocat de ce cher... j'ai un blanc de mémoire... J'ai vraiment un blanc de mémoire, mais l'acteur principal, le personnage principal de Breaking Bad, eh bien, on en a fait une série qui se passe avant Breaking Bad, et on voit des personnages de Breaking Bad, comment se profiler à travers ce qui deviendra Breaking Bad, et c'est une préquelle, si on veut, mais c'est vraiment excellent, c'est vraiment très bon, et c'est aussi assez humoristique, je dois dire. Better Call Saul, j'ai beaucoup aimé. Dans les trucs que je suis à explorer, je les inclus d'emblée parce que jusqu'à présent, si je vous parle d'American Horror Story, j'apprécie tous les 4 saisons. Celle-ci, Hotel, je vais la débuter probablement, si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc, je suis certain que ça va être excellent. Malheureusement, Jessica Lange n'est fait plus partie de la distribution. Bon, on va retourner musicalement parlant et je vais revenir avec quelques films par la suite. On va continuer avec une formation que j'ai découvert à la fin de l'année, plus précisément à la mi-novembre, le 13 novembre, qui est une formation qui donne dans un death metal la tendance un petit peu roll par moment. Il s'agit de Firespawn. Leur premier album, Shadows Realms, qui met en vedette LG Petrov, qui est le chanteur de anciennement Entomb, maintenant de Entomb AD. Je vais vous laisser découvrir cette formation avec la pièce d'ouverture de ce premier album qui porte le titre de The Emperor. Go! We'll be right back. Le samedi 23 janvier 21h30, votre café-bar Le Zénob vous invite au spectacle de la formation trifluvienne Les Gun Mashup. En première partie, Gras Trans. Pour une soirée blues, rock'n'roll, même un peu country, soyez avec nous au Zénob pour Les Gun Mashup ce samedi 23 janvier 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des b-sides de groupes connus? T'aimes sub-pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez, vous êtes assez. 20h01. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation It's Fear. Effectivement, formation danoise qui en est à son 9e album studio complet qui porte le titre de New Hell, qui est New Hell, qui est paru le 20 novembre dernier, et la pièce que nous avons écoutée porte le titre de The Grey Mass. C'est sous étiquette Massacre Records. Je dois dire que Hatesphere font partie des rarissimes, peut-être pas à ce point-là, mais des groupes triés sur le volet dans le genre trash metal à connotation quelque peu death européen que j'apprécie. Jusqu'à présent, je dois dire que généralement leur parution est assez intéressante. Juste auparavant, nous avions une découverte que j'ai faite. Vers mi-novembre, là, si on veut, là, peut-être pas le 13 exactement, parce qu'il est paru le 13, cet album de Firespawn, peut-être plus vers la fin de mi-novembre, vers la fin novembre. Premier album, cette formation suédoise qui porte le titre de Shadow Realms, qui est paru, comme je viens de le dire, le 13 novembre dernier sur Century Media, la pièce étant pièce d'ouverture d'Emperor. Moi, j'ai beaucoup aimé Firespawn, tellement que je les ai mis en 8e position de mon top 10. Voilà, c'est tout. Et Sphere n'aura pas trouvé de place lui non plus dans mon top 10 ou dans mon top 10 mention, malheureusement. Mais c'est un album quand même qui est fort intéressant. Avant que je l'oublie, cette semaine, ici même à C'est Fou, dès 11h ce vendredi, c'est l'émission Rock Classique. Et oui, en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Pendragon. Et cette semaine, je voudrais vous donner un extrait de ce qu'on pourra entendre à cette émission qui, ma foi, est pour les vrais amateurs de vrai rock, bien sûr. Approchez-vous. chez tous les amis, les grandes, les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Je suis certain que s'il a entendu ça, il doit être en train de me traiter de fou, fou furieux, ce pauvre Rockmaster. Mais non, vous écouterez pas cette tournée rock classique, bien entendu. C'est certain. Ben, je dis certain. Non. Il y a rien de moins certain que ça, effectivement. Bien capable de le faire. Mais cette semaine, Alain vous propose, et je vous proposerai aussi d'écouter, entre autres, la nouvelle parution de Megadeth, Dystopia, ainsi que nouvelle formation, nouvel album de Habath, hein? Anciennement de... C'était quoi déjà le nom de son band black metal? J'ai encore un blanc de mémoire. Je pense ma vie avoir des blancs de mémoire. Immortals! Voilà! Et une nouvelle formation scandinave qui porte le nom de Hellas. Et Alain va vous faire tourner une face complète d'un album vinyle classique paru il y a 35 ans, The Nature of the Beast, April Wine, avec ce super, tellement aimable et gentil Miles Godwin. Mais il reste que j'aime beaucoup cet album. Groupe obscur, bien entendu, la chronique avec une formation des années 70, Ice Cross, et évidemment avec tous les chroniques habituelles qui sont les nouvelles, les éphémérides de ma chronique, la faune chez les amateurs de rock, ça passe ou ça casse. Bref, une émission qui est tout le temps remplie de choses tout à fait intéressantes et parfois moins crédibles que d'autres. Mais c'est pas grave, on a beaucoup de plaisir. Donc, ce vendredi, dès 11h jusqu'à 17h, un classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Toujours est-il que nous allons retourner cette fois-ci avec une autre portion cinéma. Dans les films que j'ai beaucoup appréciés en 2015, il s'avère être un film de super-héros. Ben oui, quelle surprise, Ant-Man. C'est vraiment un excellent film, Ant-Man. J'avais vraiment pas beaucoup d'attentes envers ce film, mais j'ai été très agréablement surpris de voir qu'on pouvait allier un aspect comique avec un super-héros minuscule, en fait, ça le dit, hein, c'est l'homme fourmi, mais d'avoir une action aussi renversante par moment. Ant-Man est vraiment un excellent film. Autre film que j'ai découvert avec beaucoup d'horreur, ben en fait, à la fin, peut-être un peu plus, mais avec beaucoup de surprises, c'est Christmas Horror Story, qui est paru dans un petit peu avant la période des fêtes, et qui est un film qui, à prime abord, semble être l'histoire du Père Noël qui combat un démon, si on veut. Mais le film prend une toute autre tangente et arrive à une finale qui est absolument renversante. Donc, A Christmas Horror Story, c'est excellent. Autre film fort intéressant dans la plus peu tradition dont j'ai parlé quelques fois la semaine dernière, plus peu tradition de l'horreur classique Crimson Peak. Vraiment très bon. Everest. J'ai parlé aussi la semaine dernière, un film d'aventure qui se veut un peu historique, si on veut. C'est vraiment excellent, vraiment dramatique aussi. Des équipes qui font l'ascension de l'Everest et ça va pas très bien. Mad Max Fury Road, qui se veut une forme de remake, si on veut, oui, mais qui, je me dis que ça devrait être considéré comme une nouvelle version de Mad Max, tout simplement, qui met en vedette l'excellent Tom Hardy. C'est vraiment très très bon, Mad Max Fury Road. C'est un des excellents films science-fiction action qui est paru l'an dernier. Un autre film de science-fiction qui est vraiment excellent, c'est The Martian, qui met en vedette Matt Damon et qui raconte un pauvre cosmonaute ou astronaute qui aurait été malencontreusement laissé pour mort sur la planète Mars alors que l'expédition quitte pour fuir une catastrophe. Il n'est pas mort, il doit survivre. C'est vraiment excellent. Un film que j'ai beaucoup apprécié, les précédents étaient quand même, je dirais, corrects, mais celui-là était vraiment supérieur. C'est Mission Impossible 5, Rogue Nation, avec, comment je vais dire, Tom Cruise, voilà. Autre truc surprenant, un drame à très peu d'action, mais ma foi très profond, qui met en vedette Ian McKellen, que vous aurez sûrement connu avec The Lord of the Rings dans le rôle de Gandalf. Il s'agit de Mr. Holmes, qui raconte la dernière portion, la retraite, les derniers moments, si on veut, de Sherlock Holmes qui s'était retiré en campagne. C'est vraiment très très bon. Un autre film qui pourrait avoir eu une... En fait, qui aurait pu passer inaperçu pour moi, mais qui finalement a été distrayant. Et plus que ça, c'est un film avec Nicolas Cage. C'est un film à connotation fantastique horreur. C'est Pay the Ghost. Ça aussi, j'ai bien aimé. Scout Guides, le Zombie Apocalypse, qui est une comédie d'horreur, mais qui est vraiment pas piqué des verres et qui est aussi très original. C'est vraiment excellent. Un film d'un réalisateur qui est très régional ici, c'est-à-dire de la rive sud de Trois-Rivières. Il s'agit de Monsieur Villeneuve, Denis Villeneuve, et son film, son excellent Sicario, qui met en vedette Emily Blunt et Benicio del Toro, en plus de Josh Brolin. C'est vraiment excellent, excellent. On continue musicalement cette fois-ci avec une formation canadienne qui vient de Orillia, qui c'est en Ontario. C'est pas très loin de Toronto. C'est une formation que on m'a demandé de découvrir, voilà, par John Asher qui m'a envoyé cet album. Une formation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Qui était une belle découverte pour moi en 2015. Il s'agit d'Adrenochrome. Auquel j'ai accordé la première position des dix mentions de l'année 2015. C'est la première position. Je vous propose la pièce Lockstep. C'est tiré de leur dernier album Tales from Adrenochrome. C'est paru le 27 novembre dernier. C'est vraiment très original. Allons-y, let's go. Fire your back will reach. 20h21. On vient d'entendre la formation Sex, formation britannique qui vient plus précisément de Watford. Et la pièce Walking Shadows s'est tirée de leur dernière parution, Opacities. C'est un EP, un mini-album qui est paru sur Bill Brothers Record. J'ai bien aimé ce qu'ils font. C'est un groupe qui a une tendance progressive avec un mélange de groove et de polka, voilà. Non, de plus énergique si on veut. Je dirais pas jusqu'au death metal, non, mais certainement le groove, effectivement. C'est un album qui comporte 4 pièces, mais ils sont tous, les 4, très intéressantes. C'est une formation qui a une discographie légèrement peu garnie, mais ce que je connais d'eux jusqu'à présent, ce n'est pas décevant du tout. En fait, je lui ai accordé le 5e rang dans les 10 mentions de ma sélection de 2015. Et juste avant, nous avions la formation canadienne Adrenochrome, qui est paru le 4 décembre dernier. Nous avions, comme j'ai dit, Adrenochrome qui vient de Orillia en Ontario. Formation qui donne dans un mélange de trash, de stoner metal. À l'occasion, il y a même des pièces qu'on trouve du banjo. Il s'est très bien intégré, je dois le dire, qui à la base, peut-être pas l'instrument qui se prête le mieux faire du métal, mais ici, dans le cas, c'était vraiment bien. C'était leur deuxième album studio complet. Le premier était paru en 2012 au titre de Hideous Appetites. Appetites, voilà, ici on parle de Tales from Adrenochrome qui lui est paru le 27 novembre dernier, de façon indépendante. Et je pense que tout amateur de métal qui aime oser un petit peu devrait justement oser l'écoute de Adrenochrome avec Tales from Adrenochrome. C'est vraiment un excellent moment musical. Allons compléter cette Retro Undead de cinéma, cette fois-ci avec le film South Pound, qui est un film... Oui, un film de boxe. Ben oui, c'est-tu bizarre? Moi qui n'ai pas un grand sportif physiquement, intellectuellement, peut-être un peu plus. Et encore, je suis un peu lâche. South Pound qui met en vedette, je vais vous le dire, là, j'ai un blanc de mémoire, j'ai toujours des blancs de mémoire, moi. Jake Gyllenhaal, voilà, qui est un film qui raconte l'ascension fulgurante d'un boxeur qui termine toujours ses combats knock-out et qui devient complètement hystérique et fou sur le ring et qui tombe dans une déchéance qui lui fera perdre à peu près tout, sa famille y compris, et ainsi de suite, et surtout la garde de sa fille. Et qui décide de se reprendre en main de façon très très difficile. Il se donne pas le chemin le plus simple. Mais c'est un drame qui, oui, il y a des aspects de boxe et de combat, mais plus un drame social en tant que tel. Et moi, Jake Gyllenhaal, je trouve que c'est un très bon acteur. Et je trouve qu'il a vraiment fait un beau travail dans South Pound. Donc, c'est un film que j'ai bien apprécié. Autre film que j'ai trouvé vraiment vertigineusement bon, c'est The Walk. The Walk est un film qui raconte une histoire vraie qui est celle de... comment s'appelle-t-il déjà? Philippe Petit, qui est un funambuliste, en fait, qui était un acrobate de rue, un jongleur, et ainsi de suite. Met en vedette de Joseph Gordon-Levitt. Qui un jour dans sa France natale voit sur un journal la construction des tours jumelles à New York, les Twin Towers si vous préférez. Il se dit, mais c'est ce qui se fait de plus gros, il n'y a pas plus grand au monde comme construction, à l'époque, ce qui était vrai, dans les mi-70. Il se dit, je dois absolument traverser ces tours sur un fil de fer. Bon, ça a l'air un peu drôle, ridicule peut-être même comme rêve, mais c'est son rêve de le faire, d'aller au-delà de lui-même et d'aller au-delà de tout ce qui s'est fait comme acrobatie et surtout funambulisme. Et c'est toute la préparation et l'équipe qu'il montera pour être capable de faire cette audacieuse traversée. C'est vraiment un excellent film. C'est un film qui est très vertigineux, comme je l'ai dit. Les prises de vue sont absolument hallucinantes. On a vraiment l'impression d'être sur le fil d'affaires avec lui. Et c'est vraiment un très, très bon film. Un des bons qui est paru en 2015. Autre film que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, qui est un film à connotation plus action, avec une petite touche humoristique, Eh bien, rappelez-vous la série des années 60 qui mettait en vedette Ilya Kuryakin et Napoléon Solo, les agents très spéciaux qui portaient le titre original de The Man from U.N.C.L.E. Eh bien, il y en a eu un, et effectivement, un film qui a été fait en hommage à cette série que moi-même j'ai écouté beaucoup à l'époque, un film qui vient de Guy Ritchie et qui est vraiment très bon. Un excellent film d'action et je souhaite fort qu'ils en fassent un deuxième et il se termine sur une note qui pourrait en apporter un deuxième. Un film beaucoup d'action, des prises de vue qui sont vraiment belles, graphiquement parlant c'est vraiment très bien et le jeu d'acteur est extraordinaire et l'intrigue l'est tout autant. Donc The Man from U.N.C.L.E. c'est vraiment un très bon film. Dans les autres accotation beaucoup plus horreur, un film qui a peut-être passé inaperçu aux yeux du grand public et des grands marchés cinématographiques. Il s'agit de Vatican Tapes, qui est un film d'horreur, évidemment de possession, et qui traite d'un exorcisme qui sera fait. Et on sait pertinemment tout ce qui a rapport aux exorcismes dans la vraie vie. S'il y en a une, eh bien, il faut être vraiment bien préparé pour pouvoir avoir accès à un prêtre qui va vouloir vous exorciser parce que le Vatican ne croit pas vraiment à ça. Du moins, pas d'emblée, ça prend un moment de preuve. Bref, tout tourne autour de ça, c'est vraiment bien fait. C'est un très bon film d'horreur. C'est un film qui utilise un sujet qui a été surutilisé, les phénomènes de possession, mais ici, on le traite avec un peu de rafraîchissement et c'est fort agréable. Nous allons terminer cette Retro Undead point final 2015 avec les deux dernières pièces que je vais vous présenter à l'instant, qui sont constituées d'une formation polonaise qui, ma foi, a une bonne feuille de route derrière elle, qui cette fois-ci s'est attaquée à des reprises ou des covers, si vous préférez. Je parle de Vader. Et on va aller écouter tout de suite une pièce qui porte le nom de Ostani Diakon, qui est un couvert. Oui, c'est un couvert. Voilà, c'est un couvert, c'est un tube. Oui, oui, toi aussi, tu ris. Tu peux bien rire de moi, Ras, t'as entièrement raison. C'était ridicule ce que j'ai dit. Une reprise de la formation Exorcist. Et tout de suite après, nous allons écouter une des belles découvertes que j'ai fait à la fin du mois de décembre, Against the Plagues. Mais tout de suite, Vader, go! Yeah. Jsem pesadlou jako těho. Kýlivé ostatní kultury na vrazu lidský plémiu. Started at around 7 p.m. and it's not entirely clear why it started. An empty coffin set alight, an angry crowd, a symbol they say that democracy is dead. This is the Los County Emergency Test System. This is not a test. This is not a test. Soon our life will disappear. No reason. vous êtes assez fait. 89. Le samedi 23 janvier 21h30, votre café-bar Le Zénob vous invite au spectacle de la formation trifluvienne Les Gun Mashup. En première partie, Gras Trans. Pour une soirée blues, rock'n'roll, même un peu country, soyez avec nous au Zénob pour Les Gun Mashup ce samedi 23 janvier 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. T'aimes découvrir la musique, t'aimes réentendre tes classiques, tu veux entendre des B-sides de groupes connus, t'aimes soft pop, le noise, le gear, le funk et Marcel Martel, tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fait, assez fait. 20h39, nous allons vers la fin de cette édition de réanimation, mais il reste encore quelques bonnes minutes. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation Against the Plagues, formation qui nous vient de Chicago, Illinois, une formation que j'ai découvert vraiment à peu près quand l'album est sorti, soit le 18 décembre dernier, qui en était à son troisième album studio complet, Purified Through Devastation, qui est tiré sur Non-Savian Records. C'est une formation qui donne dans un mélodique black death metal. Moi, j'ai bien aimé ça. Je pense honnêtement que je l'écoute et à toutes les fois, je trouve des qualités supplémentaires à cet album. Faut aimer le genre, mais moi, c'est mon cas. Je l'ai placé, cet album-là, dans les mentions, les 10 mentions de 2015 en 8e position. Et il aurait probablement pu, je dirais même, surpasser 8 Eternal et 6 Feet Under. Et il n'y a qu'il fou qui ne change pas d'idée. Hein, et comme je suis fou, ben je ne changerai pas d'idée. Non, c'est une blague. Il est possible qu'il change de ranking au fur et à mesure. Vous savez, les choses qui sont coulées dans le ciment, là, elles s'effritent éventuellement. Ça met fin à cette Retro Undead 2015, autant du côté musical que visuel, cinéma et séries télévision. Je ne sais pas si je suis certainement et plus que certainement officiellement très loin d'avoir couvert tout ce qui peut être paru en 2015 au niveau du métal, parce qu'on en aurait eu pendant plusieurs semaines, plusieurs éditions, mais ce n'était pas le but. C'était le but simplement de vous présenter ce qui avait retenu mon attention. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y avait été question que pendant la période des fêtes que j'ai la chance de faire une émission avec Sinistrose qui puisse venir nous voir ici en studio et partager un peu lui aussi ce qui aurait été un peu sa rétro Undead finalement, mais malheureusement la tempête, le mauvais temps nous a empêché de le faire parce que Sinistrose a quand même une certaine bonne route à faire avant de venir jusqu'ici, donc on a remis ça à un autre plus tard indéfini. Mais quoi qu'il en soit, je lui ai préparé un petit bloc à cette espèce de gobelin pestilentiel-là pour célébrer son retour momentanément. Et je vais le présenter ce soir parce que c'est pas nécessairement la musique que je présente tout le temps à réanimation. Mais je sais que lui, ça lui aura fait fort plu. Et en fait, moi aussi, j'aime beaucoup ces groupes-là. On va tomber dans une portion plus industrielle, tomber dans un industriel un peu plus métal, et en fait, on va entendre successivement les formations Skinny Puppy, Ministry, Bottle Surfers. Et justement, le titre de cette première pièce de Skinny Puppy étant First Aid, j'espérais ne pas avoir à m'en servir s'il était venu quand même à travers la tempête. Skinny Puppy, go! All of his reactions were charted, graphed. Respiration, heart action, blood pressure. Look, I really don't want you to be frightened or anything, but I was wondering if there's a doctor or... It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. Displaced, which I killed, Zion. go way up there. Next time it won't be a dream or a nightmare. Next time it'll be for real. h 55, c'est le dernier jet pour réanimation. On vient d'entendre à l'instant le bloc que j'aurais dédié à mon assistant Sinistro s'il avait pu être avec moi dans la période des fêtes. Bottle Surfers et la pièce Who Was In My Room Last Night, c'est tiré de l'Independent Warm Saloon qui est paru en 1993 sous étiquette Capitol. Nous avions auparavant Ministry et la pièce, l'excellente pièce Burning Inside, tirée de The Mind's a Terrible Thing to Taste, paru en 89 sur Sire Warner. Et nous avons ouvert le tout avec la formation, ma formation préférée de tous les genres, de tous les styles, la Skinny Poppy, et la pièce First Aid, tirée de Clean's Fault and Manipulate, qui paru en 87 sur Network. La semaine prochaine, je vous propose plein de choses, entre autres la présentation du nouvel album EP de Aborted, cette formation qui donne dans un death metal brutal, formation belge, l'album étant Termination Redux. Je vous propose aussi d'aller explorer l'album des Français de Postmortem et l'album God With Horns, qui est aussi une nouveauté de 2016. J'aurai l'album marquant, je rapporterai ce mois-ci l'album marquant, la dernière émission du mois. Et cette fois-ci, ça s'adresse à Anthrax, A Fistful of Metal, qui est paru en 1984. Et je débuterai mon spécial qui se commettra sur plusieurs émissions. La première partie du spécial 1985. Sur ce, je vous laisse avec Alex de Matière Noire, auquel son co-animateur Sam devrait se joindre dans les prochaines minutes, je présume. Et je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, ici même à Cifou 89.1 FM, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble Dr. Pain Pendragon. Et si vous êtes amateur de métal aussi, eh bien ce vendredi dès 18h30 sur Underground Québec, c'est mon ami DJ Tower of Death et Subversion et ses publicités fort savourables. Donc, je vous laisse entrer les mains de Matière Noire et jusque-là, la semaine prochaine, bien entendu, allez tous vous faire foutre. Ciao!